Je veux dans la perfection. Dieu. Allez. Travaille, travaille. Plus court, plus court. C'est bon. Encore une fois, et après tu t'arrêtes. C'est breuvage les gars. Pas mon genre, mais j'ai vu ton boulot, au pire on essaie.